gorge de la nuit. Traversant le boulevard inondé par le bruit. Tous ces gens qui me poussent en partant sans remords. Il a froid dans sa peau quand la question me sort. Qu'est-ce que j'ai fou ici? Je suis dans un lit. Qu'est-ce que j'ai fou ici? Personne dans les rues, juste quelques loupards. La sonnerie qu'on s'en suit dans la bouche en pétard. Ce n'est pas ça qu'il cherche, ça au moins il le sait. Quand soudain comme une flèche, la question apparaît. Qu'est-ce que j'ai fou ici? Je suis dans un lit. Qu'est-ce que j'ai fou ici? Dans un lit.